Book 2 75 75 ابدأ الأسباب 1 Argumenter quelque chose 1 لماذا لا تأتي Pourquoi ne venez-vous pas? Pourquoi ne venez-vous pas? Le temps est trop mauvais. Le temps est trop mauvais. Je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais. Je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais. لماذا لا يأتي؟ Pourquoi ne vient-il pas? Pourquoi ne vient-il pas? هو غير مدعو. Il n'est pas invité. Il n'est pas invité. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Il ne vient pas parce qu'il n'est pas invité. Il ne vient pas parce qu'il n'est pas invité. Pourquoi ne viens-tu pas? Pourquoi ne viens-tu pas? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps. Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps. Pourquoi ne restes-tu pas? Pourquoi ne restes-tu pas? Je dois encore travailler. Je dois encore travailler. لأني لازال علي أن أشتغل. Je ne reste pas parce que je dois encore travailler. Je ne reste pas parce que je dois encore travailler. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Pourquoi partez-vous déjà? Pourquoi partez-vous déjà? أنا تعبان. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ana adhhab li'anni ta'ban. Je pars déjà parce que je suis fatigué. Je pars déjà parce que je suis fatigué. Limadha surt turid an tusafir? Pourquoi partez-vous déjà? Pourquoi partez-vous déjà? الوقت صار متأخرا. Il est déjà tard. Il est déjà tard. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Je pars déjà parce qu'il est déjà tard. Je pars déjà parce qu'il est déjà tard. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.